Chapitre 38e. Dans l'été de 1812, un voleur de profession, nommé Otto, aspirait depuis longtemps à se faire réintégrer dans l'emploi d'agent secret, qu'il avait exercé avant mon admission dans la police, vint m'offrir ses services pour la fête de Saint-Cloud. On sait que c'est l'une des plus brillantes des environs de Paris, et que, vu l'affluence, les filous ne manquent jamais de s'y rendre en grand nombre. Nous étions au vendredi, lorsque Otto fut amené chez moi par un camarade. Sa démarche me parut d'autant plus extraordinaire que précédemment j'avais donné sur son compte des renseignements par suite desquels il avait été traduit devant la cour d'assises. Peut-être ne cherchait-il à se rapprocher de moi que pour être plus à portée de me jouer quelque mauvais tour. Telle fut ma première pensée. Toutefois, je lui fis bon accueil et lui témoignai même ma satisfaction de ce qu'il n'avait pas douté de ma volonté de lui être utile. Je mis tant de sincérité apparente dans mes protestations de bienveillance à son égard, qu'il lui fut impossible de ne pas laisser pénétrer ses intentions. Un changement subit qui s'opéra dans sa physionomie me convainquit tout d'un coup qu'en acceptant sa proposition, je favorisais des projets dont il n'avait pas l'envie de me faire confidence. Je vis qu'il s'applaudissait intérieurement de m'avoir pris pour dupe. Quoi qu'il en soit, je feignis d'avoir en lui la plus grande confiance, et il fut convenu entre nous que le surlendemain dimanche, il irait à 2 heures se poster aux environs du bassin principal afin de nous signaler des voleurs de sa connaissance qui, m'avait-il dit, viendraient travailler dans cet endroit. Le jour fixé, je me rendis à Saint-Cloud avec les 2 seuls agents qui fussent alors sous mes ordres. En arrivant au lieu désigné, je cherche Otto. Je me promène en long, en large, j'examine de tous les côtés, point de Otto. Enfin, après 1 heure et demie d'attente, perdant patience, je détache un de mes estafiers dans la grande allée, en lui recommandant d'explorer la foule afin de tâcher d'y découvrir notre auxiliaire, dont l'inexactitude m'était tout aussi suspecte que le zèle. L'estafier cherche 1 heure entière. Las de parcourir dans tous les sens le jardin et le parc, il revient et m'annonce qu'il n'a pu rencontrer Otto. Un instant après, je vois courir ce dernier. Il est tout en âge. « Vous ne savez pas, nous dit-il, je viens d'amorcer six grinches, mais ils vous ont aperçu et ils ont décampé. C'est fâcheux car ils mordaient. Mais ce qui est différé n'est pas perdu, je les rejoindrai une autre fois. » J'eus l'air de prendre ce compte pour argent comptant, et Otto fut bien persuadé que je ne révoquais pas en doute sa véracité. Nous passâmes ensemble la plus grande partie de la journée, et ne nous quittâmes que vers le soir. Alors j'entrai au poste de la gendarmerie, où les officiers de paix m'apprirent que plusieurs montres avaient été volées, dans une direction tout opposée à celle dans laquelle, d'après les indications de Otto, s'était exercée notre surveillance. Il me fut démontré dès lors qu'il nous avait attirés sur un point afin de pouvoir manœuvrer plus à son aise sur un autre. C'est une vieille ruse qui rentre dans la tactique des diversions et des faux avis donnés par des voleurs pour n'avoir pas à craindre la police. Otto, à qui je me gardais bien de faire le moindre reproche, imagina que j'étais complètement sa dupe. Mais si je ne disais rien, je n'en pensais pas moins, et tout en lui faisant amitié de plus en plus, tandis qu'il méditait de réitérer l'espièglerie de Saint-Cloud, je me réservais de l'enfoncer à la première occasion. Notre liaison étant en bon train, elle se présenta plus tôt que je n'aurais osé l'espérer. Un matin, en revenant avec Gaffé du faubourg Saint-Marceau, où nous avions passé la nuit, il me prit la fantaisie de faire à l'improviste une visite à l'ami Otto. Nous n'étions pas loin de la rue Saint-Pierre au Bœuf, où il demeurait. Je propose à mon camarade de veille d'y venir avec moi. Il consent à m'accompagner. Nous montons chez Otto, je frappe, il ouvre et paraît surpris de nous voir. « Quel miracle à cette heure !»« Cela t'étonne, lui dis-je, nous venons te payer la goutte. »« Si c'est ça, soyez les bienvenus. » En même temps, il se renfonce dans son lit. « Où est-elle, cette goutte ?»« Gaffé va nous faire le plaisir d'aller la chercher. » Je fouille dans ma poche, et comme Gaffré, en ses qualités de juif, était moins avare de ses pas que de son argent, il se charge volontiers de la commission et descend. Pendant son absence, je remarquai que Otto avait l'air fatigué d'un homme qui s'est couché plus tard ou plus matin que de coutume, la chambre étant dans cet état de désordre qui tient à une circonstance extraordinaire. Ses vêtements, plutôt jetés qu'ils n'avaient été posés, semblaient avoir reçu une averse. Ses souliers étaient couverts d'une boue blanchâtre et encore humide. Pour ne pas conclure de tous ces indices que Otto venait de rentrer, il lui fallut ne pas être bidoc. Pour le moment, je ne tirais pas d'autres conséquences. Mais bientôt mon esprit se promène de conjecture en conjecture, et je conçois des soupçons que je me garde bien d'exprimer. Je ne veux pas même être curieux, c'est-à-dire indiscret, et de crainte d'inquiéter notre ami, je ne lui adresse pas la moindre question. Nous parlons de la pluie et du beau temps, mais plus du beau temps que de la pluie, et quand il ne nous reste plus rien à boire, nous nous retirons. Une fois dehors, je ne pus m'empêcher de communiquer à Gaffray les remarques que j'avais faites. « Où je me trompe fort, lui dis-je, où il a découché. Il avait quelque expédition en l'air. »« Je le crois, car ses habits sont encore mouillés, et puis ses escarpins sont-ils crottés ?»« Oh, il n'a pas marché dans la poussière. » Otto ne songeait guère que nous nous entretions de lui. Cependant, les oreilles durent lui corner. « Où a-t-il allé ? Qu'a-t-il fait ? » nous demandions-nous l'un à l'autre. Peut-être est-il affilié à quelque bande. Gaffray n'était pas moins intrigué que moi. Il s'en fallait que les suppositions qui lui venaient à l'idée fussent favorables à la probité de Otto. À midi, selon l'usage, nous allâmes rendre compte de nos observations de la nuit. Notre rapport était fort peu intéressant. Le mot néant y était écrit tout du long. « Ah !» nous dit M. Henri. « Ce sont d'honnêtes gens dans le faubourg Saint-Marceau. J'aurais été bien mieux avisé de vous envoyer sur le boulevard Saint-Martin. » Il paraît que ces messieurs, les voleurs de plomb, recommencent leur jeu. Ils en ont enlevé plus de 450 livres dans un bâtiment en construction. Le gardien, qui les a poursuivis sans pouvoir les atteindre, assure qu'ils étaient au nombre de 4. C'est pendant la grande pluie qu'ils ont fait le coup. « Pendant la grande pluie, parbleu !» m'écriai-je. « Vous connaissez un des voleurs. Et qui donc ? Otto. Celui qui a servi la police et qui demande à y rentrer. Celui-là même. » Je racontai à M. Henri mes remarques du matin, et comme il resta convaincu que j'avais raison, je me mis aussitôt en campagne afin de changer promptement en évidence ce qui n'était encore que présomption. Le commissaire du quartier où avait été commis le vol se transporta avec moi sur les lieux et nous trouvâmes dans un endroit du sol l'empreinte très profonde de 2 souliers ferrés. La terre s'était affaissée sous le poids d'un homme. Ces vestiges pouvaient fournir de précieuses indications. On prit des précautions pour qu'ils ne fussent pas effacés. J'étais presque certain qu'ils s'adapteraient parfaitement à la chaussure de Otto. J'engageai en conséquence Gaffray à venir avec moi chez lui, et afin de pouvoir procéder à la vérification à l'insu du coupable, j'imagine un moyen que voici. Arrivé au domicile de Otto, nous faisons un train d'enfer à sa porte. « Lève-toi donc, lève-toi donc, nous apportons la pâtée !» Il s'éveille, donne un tour de clé, et nous entrons en chancelant, comme des individus qui ont un peu plus qu'un commencement d'ivresse. « Eh bien, dit Otto, je vous en fais mon compliment. Vous avez chauffé le four de bonne heure. »« C'est pour ça, mon ami, lui répliquai-je, que nous venons pour enfourner. « Toi qui es si malin, ajoutai-je, en lui montrant sous son enveloppe une emplette que nous avions faite en route. « Devine ce qu'il y a là-dedans. »« Comment veux-tu que je devine ?» Alors, déchirant un des coins du papier, je mets à découvert les pattes d'une volaille. « Ah ! Sacre Dieu ! S'écrie-t-il. « C'est un dindon. »« Eh oui, c'est ton frère. Et comme tu le vois, c'est au pied qu'on connaît ces animaux-là. Comprends-tu, l'apologe, à présent ? » « Qu'est-ce qu'il dit ? » ?»« Je dis qu'il est rôti. »« Oh bah, vous vous serez fait gourer. De la venaison. »« De la venaison. Tiens, sens-moi ça, plutôt. » Je lui passe la volaille, et tandis qu'il la flaire et la retourne dans tous les sens, Gaffray se baisse, ramasse les souliers, les fourre dans son chapeau. « Et combien que ça coûte, cette bête ?»« 1 rondin, 2 balles et 10 jacques. »« Nom de Dieu, 7 livres 10 sous, c'est le prix d'une paire de souliers. »« Comme tu dis, mon homme, » repartit l'escamoteur en se frottant les mains. « Ce n'est pas l'embarras, il y a de quoi mordre. »« Et puis l'odeur, elle est fameuse, c'est-y alléchant. »« Ce sacré Jules, cette affaire à lui. »« N'est-ce pas que je m'y connais ?»« C'est vrai. »« Qu'est-ce qu'il découpe ?» D'abord, je ne fais rien, moi. Bien entendu, nous te servirons. Y a-t-il un couteau dans la cassine ? Oui, cherche dans le tiroir de la commode. Je trouve en effet un couteau. Maintenant, il s'agit de trouver un prétexte de sortie pour Gaffray. Ah ça, lui dis-je. Pendant que je mettrai le couvert, tu vas me faire un plaisir. C'est d'aller dire chez moi qu'on ne m'attende pas pour dîner. C'est ça. Et puis vous me casserez le ventre. Oh non, pas de ça. Je ne quitte pas la place avant d'avoir gobé les vivres. Nous ne les gobons pas sans boire. Aussi vais-je faire monter du liquide. Il ouvre la croisée et appelle le marchand de vin. De cette façon, il n'y a pas mèche à faire la queue. Gaffray était comme la plupart des agents de police, sauf la manque, la perfidie, bon enfant mais un peu licheur, c'est-à-dire gourmand comme une chouette. Chez lui, la gueule passait toujours avant le métier. Aussi, bien qu'il eût pincé les souliers, ce qui était l'important de l'affaire, je vis qu'il serait impossible de le décider à abandonner le terrain, tandis qu'il n'aurait pas pris sa part du déjeuner. Je me hâtai donc de dépecer l'oiseau, et quand le vin fut tiré, « Allons à table, » dis-je à mon gastronome, chic et battant. La table était le lit de Otto, sur lequel, sans autre fourchette que celle du père Adam, nous fîmes à ce dieu qui est en nous, c'est-à-dire au dieu des ventrus, député ou non, un sacrifice à la manière des anciens. Nous mangeons comme des ogres, et le repas fut promptement terminé. « Actuellement, » me dit Gaffré, « je puis marcher. Je ne sais pas si tu es comme moi, mais quand le soleil me luit dans l'estomac, je ne suis bon à rien. Quand le coffret plein, c'est différent. En ce cas, file, c'est ce que je fais. » Aussitôt, il prend son chapeau et s'en va. « Ah, le voilà parti, » dit Otto, du ton d'un homme qui n'était pas fâché d'être seul un instant avec moi. « Eh bien, mon ami Jules, » reprit-il, « il n'y aura donc jamais de place pour Otto. Que veux-tu? Il faudra prendre patience, ça viendra. » Il ne tiendrait pourtant qu'à toi de me donner un bon coup d'épaule. Monsieur Henri t'écoute, et si tu lui disais deux mots, ça ne sera pas pour aujourd'hui, car je m'attends à un galop soigné. Gaffré ne l'échappera pas non plus, car voici deux jours que nous ne sommes pas allés au rapport. Ce mensonge n'était pas fait sans intention. Il ne fallait pas que Otto pût me croire informé du vol auquel je présumais qu'il avait participé. Il était sans défiance, je l'entretenais dans cette sécurité, et dans la crainte qu'il ne songeât à se lever, je ramenai la conversation sur les points qui l'intéressaient le plus. Il me parla successivement de plusieurs affaires. « Ah !» me dit-il en soupirant. « J'étais assuré de rentrer à la police avec un traitement de 12 à 1500 balles. J'en pourrais fournir de ces renseignements. Avec cela que je tiens en ce moment un petit vol avec effraction, ce serait un vrai cadeau à faire, monsieur Henri. »« Ah oui ?»« Eh oui, dis donc, 3 voleurs, Berchier, Libicêtre, Caffin et Linois, que je réponds de lui, donné marron. Aussi sûr que toi et moi, ça fait 2. Si tu le peux, que ne parles-tu? Ça te ferait une belle entrée de jeu. » « Je sais bien, mais n'as-tu pas peur de te mettre en avant? Si tu rends des services, sois tranquille, je me fais fort de te faire admettre. »« Ah, mon ami, tu me mets du baume dans le sang. Tu me feras admettre ?»« Bah, ce n'est pas difficile. »« Là-dessus, buvons un coup, » s'écria Otto, comme transporté de joie. « Oui, buvons à ta réception prochaine. Plutôt aujourd'hui que demain. » Otto était enchanté. Il se faisait déjà un plan de conduite. Il formait des rêves de bonheur. Il avait dans les jambes ces inquiétudes de l'espoir qui s'agitent à la perspective d'une jouissance prochaine. Je tremblais qu'il ne voulût descendre de son lit. Enfin, on frappe. C'est Gaffré, tenant la main une demi-bouteille d'eau-de-vie qu'Annette lui a remise. « Trèfle, » me dit en entrant mon collègue l'Israélite dans cet argot hébreu, qui était sans doute la langue favorite de notre patron, M. Judas. « Trèfle ou marron sont une seule et même chose. Comme je me pique d'être un hébraïsant de bonne force, je compris de suite et vis à qui j'avais affaire. » Tandis que je versais au néophyte le nectar du policier, Gaffré remit en place les souliers. Nous continuâmes de causer et de boire, et avant de nous retirer, je sus que le vol du plomb était celui dont Otto se proposait de signaler les auteurs. Le père Belmont, ferrailleur, rue de la Tannerie, fut le receleur qu'il me désigna. Ces détails étaient intéressants. Je dis à Otto que j'allais sur le champ en donner connaissance à M. Henri, et lui recommandai de s'informer de l'endroit où les 3 voleurs avaient couché. Il me promit de m'indiquer leur gîte, et quand nous fûmes convenus de nos faits, nous nous séparâmes. Gaffré ne m'avait pas quitté. « Eh bien, me dit-il, c'est lui. Les souliers s'adaptent parfaitement, c'est que l'empreinte est si profonde. » En sautant par la croisée, il aura pesé de tout son corps. Ceci était l'explication du mot trèfle, je n'en avais que faire. Déjà, je m'étais rendu compte de la conduite de Otto, et je concevais très bien le rôle qu'il voulait jouer. D'abord, il était clair qu'il avait commis le vol dans l'intention d'en tirer un produit, mais il chassait 2 lions à la fois, et en dénonçant ses complices, il atteignait un second but, celui de se rendre intéressant aux yeux de la police, afin d'obtenir d'être réemployé. Je frémis en pensant aux conséquences d'une combinaison pareille. Le scélérat, me dis-je à moi-même, je ferai en sorte qu'il reçoive la récompense de son crime, et si les malheureux qui l'ont secondé dans son expédition sont condamnés, il est trop juste qu'ils partagent leur sort. Je n'hésitais pas à le croire le plus coupable de tous. D'après ce que je savais de son caractère, il me semblait fort probable qu'il les eût entraînés uniquement pour se ménager l'occasion de manigancer ce qu'on appelle une affaire. J'allais même jusqu'à penser qu'il se pourrait bien qu'ayant volé seul, il eût trouvé convenable d'accuser de son méfait des individus que leur immoralité rendait suspects. Dans chacune de ces hypothèses, Otto était toujours un grand coquin. Je résolus d'en délivrer la société. Je savais qu'il avait deux maîtresses. L'une, Émilie Simonet, qui avait eu plusieurs enfants de lui et avec laquelle il vivait maritalement. L'autre, Félicité Renaud, fille publique, qu'il l'aimait à l'adoration. Je songeais à tirer parti de la rivalité de ces deux femmes, et cette fois, ce fut par la jalousie que je me proposais de faire tenir le flambeau qui devait éclairer la justice. Otto était gardé déjà à vue. Dans l'après-midi, je suis averti qu'il est aux Champs-Élysées avec Félicité. Je vais l'y rejoindre, et le prenant à part, je lui confie que j'ai besoin de lui pour une affaire de la plus haute importance. « Vois-tu, lui dis-je, il s'agit de te faire arrêter pour être conduit au dépôt, où tu tireras la carotte à un gringe que nous allons emballer ce soir. Comme tu seras au violon avant lui, il ne se doutera pas que tu es un mouton, et quand on l'amènera, il te sera plus facile de te lier avec lui. » Otto accepta la proposition avec enthousiasme. « Ah » soupira-t-il, « me voilà donc mouchard. Bah, tu peux compter sur moi, mais il faut auparavant que je dise adieu à Félicité. » Il retourna vers elle, et comme l'heure des séductions nocturnes ou de la croisière en plein vent approchait, elle ne le gourmanda pas de ce qu'il la quittait trop tôt. « À présent que tu es débarrassé de ta particulière, je vais te donner tes instructions. Tu sais bien, la petite tabagie qui est sur le boulevard Montmartre en face, le théâtre des variétés. Oui, Brunet ? Justement, tu vas aller là, tu te placeras dans le fond de la boutique avec une bouteille de bière, et quand tu vas rentrer de des inspecteurs de l'officier de paix Mercier, tu les connaîtras bien. Si je les reconnaîtrais, c'est à moi que tu demandes ça, un ancien troupier. Puisque tu les reconnaîtras, c'est bon. Quand ils entreront, tu leur feras signe que c'est toi. Vois-tu, c'est pour qu'ils ne te confondent pas avec un autre. Sois tranquille, ils ne me confondront pas. Sais-tu que ce serait désagréable s'ils allaient empoigner un bourgeois ? Il n'y aura pas de méprise. Est-ce que je ne serai pas là ? Et puis le signe, ce signe, c'est tout. J'ai bien compris. Ah, mais dis donc, me prends-tu pour un cornichon ? Je ne leur laisserai pas seulement le temps de chercher des yeux. C'est ça. D'abord, ils ont la consigne. Sitôt qu'ils t'apercevront, ils savent ce qu'ils doivent faire. Ils t'arrêteront et te conduiront au poste du lycée où tu resteras 2 ou 3 heures. C'est afin que celui que tu dois confesser t'ait déjà vu au violon, et qu'en te revoyant ensuite au dépôt, il n'en soit pas étonné. Ne t'inquiète pas, je battrai si bien que je défie le plus malin de ne pas me croire emballé pour tout de bon. Au surplus, tu verras si je suis à mon article. Il topait de si bonne foi que, véritablement, je regrettais d'être obligé de le tromper de la sorte. Mais en me retraçant sa conduite à l'égard de ses camarades, cette velléité de pitié que j'avais ressentie un instant se dissipa sans retour. Il me donne la main, et le voilà parti. Il marche avec la vélocité de la satisfaction, la terre ne le porte plus. De mon côté, non moins rapide que lui, je vole à la préfecture, où je trouve les inspecteurs que j'avais annoncés. L'un d'eux était le nommé Cauchois, aujourd'hui gardien à Bicêtre. Je leur dis de quelle manière ils doivent agir, et je les suis. Ils entrent dans la tabagie. À peine en ont-ils franchi le seuil, Otto, fidèle à la recommandation que je lui ai faite, s'indique du doigt en montant sa poitrine, comme un homme qui dit « c'est moi ». À ce signe, les inspecteurs vont droit à lui et l'invitent à leur exhiber ses papiers de sûreté. Otto, fier comme Artaban, leur répond qu'il n'en a pas. « En ce cas, lui disent-ils, vous allez venir avec nous. » Et pour l'empêcher de fuir, si par hasard il en prenait la fantaisie, on l'attache avec des cordes. Pendant cette opération, une sorte de contentement intérieur se peignait dans les regards de Otto. Il était heureux de se sentir garrotté. Il bénissait ses liens. Il les contemplait presque avec amour. Car, suivant lui, tout cet appareil de précaution n'existait que pour la forme. Et au fond, comme je ne sais plus trop quel philosophe de l'Antiquité, il pouvait se vanter d'être libre dans ses chaînes. Aussi disait-il tout bas aux inspecteurs. « Le diable m'enlève si je me sauve. Les palettes et les pâtures ont ligoté, les mains et les pieds attachés. On ne s'y prendrait pas autrement pour ficeler un enfant de cœur, un pain de sucre. C'est fort bien. C'est ce qui s'appelle goupiner, travailler. » Il était environ 8 heures du soir, lorsque Otto fut mis au violon. À 11 heures, on n'avait pas encore amené l'individu qu'il devait confesser. Ce retard lui parut extraordinaire. Peut-être cet individu s'était-il dérobé à la poursuite, peut-être avait-il avoué. Dès lors, le secours du mouton devenait inutile. J'ignore quelle conjecture formait le prisonnier. Tout ce que je sais, c'est qu'à la fin, ennuyé de ce qu'on ne venait pas, et imaginant qu'on l'avait oublié, il pria le chef du poste de faire prévenir le commissaire de police qu'il était encore là. « S'il est là, qu'il y reste, » dit le commissaire, « cela ne me regarde pas. » Et cette réponse, transmise à Otto, ne réveillant en lui d'autre idée que celle de la négligence des inspecteurs. « Si encore j'avais soupé, » répétait-il, avec l'accent comico-piteux de cette larmoyante gaieté qui est moins touchante que risible. « Ils s'en moquent. Peut-être qu'ils sont dans un coin à s'empâter, et moi je suis ici à siffloter la linotte. » Deux ou trois fois, il appela tantôt le caporal, tantôt le sergent, pour leur conter ses doléances. Il n'y eut pas jusqu'à l'officier de garde qu'il ne supplia de le laisser sortir. « J'en reviendrai s'il le faut, » lui protestait-il. « Que risquez-vous, puisque je ne suis emballé que pour la frime ?» Malheureusement, l'officier, qui nous rapporta le lendemain ces détails, était un de ces incrédules dont l'obstination est désespérante. Otto n'était tourmenté que par son appétit. Pour les gens qui croient au remords, c'était bien une présomption d'innocence, mais pour les gens qui ne croient qu'aux ficelles, la fatalité voulut que monsieur l'officier fût de ce nombre, et puis, comme il lui était interdit de rien prendre sur lui, quelque envie qu'il en aurait eu, il tira une bonne fois le verrou sur Otto, qui, ne pouvant revenir de l'étourderie des inspecteurs, faisait entendre à travers la porte ce monologue entrecoupé où se peignaient des alternatives tout à fait grotesques de résignation et d'impatience. « Oh, mais c'est un peu fort de café, sans compter le mar. Ils m'y laisseront passer la nuit. Impossible, ils vont venir. Pas plus d'inspecteurs que de beurre sur la main. Peut-être qu'ils se sont retrouvés à retarder. Que je voudrais être derrière eux comme je te les remuerais. S'il n'y a pas de leur faute, il n'y a rien à dire. Décidément, ils m'ont planté là pour averdir. Cependant, tant qu'on n'aura pas amené ma nouvelle connaissance... Or, pour le coup, c'est ce fiche du monde. Dans le fait, s'il n'est pas empoigné, ils ne peuvent pas non plus. Il n'y a pas de bon sens, moi qui n'ai rien pris depuis que je suis levé. Allons, messieurs, quand il vous plaira, à votre aise, je suis là. Sont-ils chiens? Sont-ils chiens? On ne fait pas toujours ce qu'on veut. Coquin de sort, s'en est-il là d'une sévère? Sévère ou non, je suis bloqué. Quand je m'en mangerai? Ne parlons pas de manger. Comme mes boyaux crient. Parbleu, ils crieraient à moins. À la fin, c'est que ça crie vengeance. Au fait, c'est l'état du métier. J'en ai l'étrenne. Oui, je suis joliment étrenné. Il faut en convenir. Est-ce qu'il se ferait casser la gueule? Le tour est fameux, par exemple. Jeune, mon cadet, jeune, comme c'est régalant. Bon, on ne meurt pas pour avoir le mal à voir. Déjeunerai mieux demain. Je gagerais qu'ils s'en tapent une culotte, les gredins. Si je les tenais. Ce n'est pas l'embarras, la farce, elle est bonne. Nom de Dieu, triple nom de Dieu. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a, garçon? Tu te fâches? À la force aussi, la faim fait sortir le loup du bois. Sors donc, sors donc. Comme c'est facile. Si encore j'avais mon dindon de ce matin, si mon ami Jules était ici. Il ne sait pas, car s'il savait. Otto disait comme le peuple, si le roi savait. Mais tandis qu'il déplorait mon ignorance, et qu'il était si loin de prévoir les suites d'une arrestation qu'il supposait simuler, explorant les petites rues aux alentours de la place du Châtelet, j'avais rejoint Émilie Simonet, dans l'un de ces misérables taudis, où, pour l'agrément des petites bourses, une dame de maison tient des liqueurs et des filles qui s'amènent mutuellement à la pratique et se servent d'enseigne sans être de meilleure aloi les unes que les autres. Ici, les liqueurs sont comme l'entrée secrète du bureau de loterie, un moyen de tromper l'espion. L'amateur honteux s'introduit sous le prétexte de prendre un petit verre et il s'empoisonne deux fois. C'est dans ces espèces de cafés borgnes que les rebuts de la prostitution s'abancèlent et s'écoulent à la faveur de l'ivrognerie ou de la pauvreté du chaland. Plus d'une ci-devant beauté, aujourd'hui réduite à l'humble caraco de drap, à la jupe de molleton et au sabot, si elle ne préfère les philosophes, souliers à 15, 20 et 25 sols, y exploite la tradition bien obscure, quoique récente, de ses charmes, qu'il valurent l'Amazone et le voile vert, qu'elle promenait naguère dans les cavalcades de Montmorency, ou bien l'élégant tilbury qu'il apportait à Bagatelle. J'ai vu de ces déchéances, et pour n'en citer qu'un exemple entre mille, l'une des camarades d'Émilie, elle se nommait Caroline, avait été la maîtresse d'un prince russe. Au jour de sa splendeur, 100 000 écus par an ne suffisaient pas au train de sa maison. Elle avait eu des équipages, des chevaux, des laquais, des courtisans. Elle avait été belle, très belle, et tout cela s'était évaporé. Elle était camarade d'Émilie, et peut-être plus dégradée qu'elle. Constamment absorbée par des spiritueux, elle n'avait plus un instant lucide. La dame de maison, qui pourvoya sa toilette, car Caroline ne possédait plus une loque, était obligée de la veiller comme le lait sur le feu, pour qu'elle ne vendît pas ses effets. 100 fois elle avait été ramenée au gîte, nue comme un ver. Elle avait tout bu jusqu'à sa chemise. Telle est la triste condition de ces créatures, qui presque toutes ont eu dans leur vie une veine d'opulence. Après avoir jeté l'or à pleine main, sans être moins prodigues, elles en viennent à convoiter le pain de la caserne, et le palais que délectèrent les sorbets de Tortoni trouve de la saveur aux patates de la grève. C'est à cette catégorie des courtisanes qu'appartiennent ces demoiselles qui font les délices des maçons, des commissionnaires et des porteurs d'eau. Entretenues par les libertins de cette classe laborieuse dont les libéralités forment leur casuel, à leur tôt, quand elles ne sont pas grugées par un maître d'armes, un banquiste ou un chanteur des rues, elles entretiennent des voleurs, ou tout au moins, si elles sont de la haute, en bonne position, à charge de revanche, elles les soulagent durant les détresses du cachot et de la morte saison. La camarade de la princesse Caroline, Émilien, Simonet ou Madame Otto était précisément de ce calibre. C'était un bon cœur fini. Ce fut chez la mère Bariole que je la rencontrai. La mère Bariole, bonne femme s'il en fut jamais, et honnête autant qu'il soit possible de l'être dans sa profession, jouit d'une espèce de considération parmi les débauchés qui hantent ses boutiques en partie double, révoltant portique d'un sanctuaire où, bravant tous les dégoûts, la volupté et la misère se caressent tour à tour. Depuis près d'un demi-siècle, son établissement est la providence et le dernier refuge de ces laïcs que les conséquences de leur déshonneur et le temps rapide en ces outrages ont précipité sous la même juridiction que le ruisseau et la borne. C'est le vieux sérail où ne doit pas pénétrer celui qui ne cherche qu'à réjouir son esprit par des images gracieuses. Là, point d'enchanteresse. L'armide de la chaussée d'Antin n'est plus qu'une hideuse gourgandine qui, entre l'hôpital et la prison, alternant de l'un à l'autre, épuise à son corps défendant les vicissitudes d'une carrière dont les dernières espérances sont sur le pavé. Dans cet asile, le luxe de la rue Vivienne a fait place à la friperie du temple et telle qui, durant l'éphémère triomphe de ses attraits, dédaignait à peine effleurée les prémices de la mode, trouve encore de quoi se parer de ses atours flétris tombés de chute en chute au vestiaire de la mère Bariole. Ainsi voit-on la ridelle du fiacre reprendre avec fierté le harnais qui l'humiliait au temps où sa croupe arrondie faisait la gloire d'un brillant attelage. Si la comparaison manque de noblesse, du moins est-elle juste. Ce serait une histoire bien curieuse et surtout bien profitable à la morale que celle de quelques-unes des pensionnaires de Madame Bariole. Peut-être serait-il à propos d'y joindre la biographie de cette vénérable matrone qui, placée pendant 50 ans à la source des coups de poing, des coups de pied, des coups de sabre, a traversé cette longue période sans attraper seulement une égratignure. Amie de la police, amie des voleurs, amie des soldats, enfin amie de tout le monde, elle s'est conservée invulnérable au milieu des échauffourées sans nombre et des mille et une batailles dont elle a été témoin. Sapin aux Romains, lorsque le combat s'engageait à propos de ces dames, malheur à qui aurait touché un cheveu de la mer. Son comptoir était comme l'arche sainte. Il était le territoire neutre que respectaient même les bouteilles lancées. Voilà ce qui s'appelle être chérie. Pas une des Sabines qui ne versait son sang pour elle. Il fallait voir le matin comme elle s'empressait de lui donner leurs rêves pour les mettre à la loterie. Et à l'approche du terme, quand l'épargne destinée à quitter le loyer était insuffisante parce que la tirelire de prévoyance avait été écornée, les pauvres filles se donnaient-elles du mal pour combler le déficit? Quelle désolation si madame, pour satisfaire son propriétaire, était réduite à engager ses timbales d'argent. Dans quoi ferait-elle chauffer la petite chopine de vin sucré qu'elle avale souvent avec son Suisse, ou dans la compagnie de sa commère, lorsque geignant ensemble et déplorant la dureté des temps, nez à nez, coude sur table, elles se comptent leurs peines à petites gorgées. Cette chère mère Bariole, que de fois elle mit au mont de piété pour régaler d'huîtres et de vin blanc la milice du bureau des mœurs. Comme les inspecteurs la trouvaient généreuse, et les voleurs compatissantes. Confidente de ces derniers, elle ne les trahit jamais. Elle écoutait aussi avec intérêt les plaintes des compagnons sans ouvrage, et semant le poids pour recueillir la fève, augurait-elle bien de l'avenir d'un individu, sous le semblant de l'amitié, elle lâchait le verre de consolation, voire même la créature à crédit, si le désargenté batteur de flemme, que le désœuvrait, était un remplaçant prêt à le toucher son beurre. « Travaillez, mes enfants, » disait-elle aux ouvriers dans tous les genres. « Avec moi, pour être bienvenu, il faut que l'on travaille. » Elle ne faisait pas la même recommandation aux militaires, mais elle gagnait leur affection par ses sollicitudes sans fin au sujet de l'appel et du contre-appel. Elle maudissait avec eux la salle de police, et pour achever de leur plaire, en cas de rixe, elle n'envoyait chercher la garde qu'à la dernière extrémité. Elle détestait les colonels, les capitaines, les adjudants, les sous-lieutenants, enfin toutes les épaulettes, mais les galons, elle en raffolait, et rien n'égalait sa tendresse pour les sous-officiers en général, notamment pour les petits fourriers qui lui semblaient gentils. Elle était leur mère à tous. « Ah, petit fourrier, ai-je entendu souvent, quand vous reviendrez avec le sergent, amenez donc le major. » « Oui, maman Bariole. » Et entre les heures d'exercice, la maison ne désemplissait pas. Maman Bariole vit encore, mais depuis que je ne suis plus obligé de la voir, j'ignore si son établissement s'est maintenu sur le même pied. À l'époque où je la connaissais, elle avait pour moi tous les égards auxquels un mouchard peut prétendre. Elle fut aux anges quand je lui demandais Émilie Simonet, qui était sa favorite. Madame Bariole crut que je venais jeter le mouchoir dans son harem. « Tu ne me l'aurais pas demandé que je te l'aurais donné. »« Elle est donc votre préférée ?»« Que veux-tu ? J'aime les femmes qui prennent soin de leurs enfants. S'ils les avaient mis là-bas, je ne l'aurais jamais regardée. Ces pauvres petits êtres, ça ne demande pas à naître. Pourquoi que les chrétiens n'auraient pas autant de naturel que les animaux ? Sa dernière est ma filleule. C'est le portrait de Otto tout craché. Je voudrais que tu la vois. Elle grandit comme un petit champignon. Bah, elle ne sera pas bête, celle-là. Il n'y a pas à dire, elle comprend déjà tout. » Elle est précoce. Oui, et jolie. C'est un amour. Laisse faire seulement qu'elle ait l'âge d'une pièce de 15 sols. Je suis sûr qu'elle gagnera à sa mère de l'argent gros comme elle. Avec une fille, il y a toujours de la ressource. Je sais bien. Oui, oui, le bon Dieu la bénira, Émilie. Avec ça, que depuis un bout de temps, elle n'a pas eu de malheur avec les hommes. Est-ce que le bon Dieu se mêle de ça? Ah, pardieu! Vous autres, que des parpaillots, vous ne croyez en rien. Vous avez donc de la religion, mère Bariole? Je le crois bien que j'en ai. Je n'aime pas les prêtres, mais c'est tout de même. Il n'y a pas encore 8 jours que je fais faire une neuvaine à Sainte-Geneviève pour avoir un terne au tirage de Bruxelles. On a passé le billet sous la chasse. Et le bout de cierge, l'avez-vous fait brûler? Tais-toi donc, païen. Je parie que vous avez du buis de Pâques à la tête de votre lit. Un peu, mon neveu. Avec eux, ne faudra-t-il pas vivre comme des bêtes? Le Bariole, qui n'aimait pas être contrarié au sujet de sa croyance, se mit à appeler Émilie. « Dépêche-toi !» lui cria-t-elle. « Attends, mon garçon, je vais voir si elle a fini. Vous ferez bien, car je suis pressée. » Émilie parut bientôt avec un caporal des pompiers, qui, sans regarder derrière lui, prit immédiatement congé d'elle. « Puisqu'il ne songe pas à son cassis, observa la Bariole, il n'y a qu'à le remettre dans la bouteille. « Je le boirai, » dit Émilie. « Pas de ça, Lisette. Vous plaisantez, il est payé. » Buvant. « Tiens, il y a des mouches. Ça te rendra le cœur gai. » m'écriai-je. « Ah bien, je ne croyais pas si bien dire. C'est toi, Jules? Et qu'est-ce que tu fais donc dans le quartier ?»« J'ai su que tu étais ici, et je me suis dit, faut que je voie la femme à Otto, je lui paierai Chopine en passant. »« Agathe, » commanda la Bariole, « servez une Chopine. » Et Agathe, aussitôt faisant, suivant l'usage, mine de descendre à la cave, fila par derrière, chez le marchand de vin, d'où elle rapporta 1 litre, dont elle réserva les 3/4 en baptisant le reste, afin d'obtenir la quantité. « Il n'est pas drogué, celui-là, » me dit Émilie, pendant que je versais dans son verre. « Vois-tu, il fait des bouilles, c'est bon signe. J'en boirai encore aujourd'hui. » Je lui faisais un grand plaisir en offrant d'humecter ses poumons, mais ce n'était qu'un premier pas pour m'attirer sa confiance. Il fallait la faire arriver insensiblement au chapitre de ses griefs contre Otto. Je ménageais assez habilement les transitions pour ne lui inspirer aucune crainte. D'abord, je commençais par déplorer mon sort. Les filles, quand on se lamente à propos de malheurs qui sont à leur portée, ne tardent pas à faire chorus. J'en ai vu plusieurs avant la seconde chopine fondre en larmes comme des madeleines. À la troisième, je devenais leur meilleure amie. Alors, elles n'y tenaient plus, tout ce qu'elles avaient sur le cœur partait par une explosion soudaine. C'était le moment de ces épanchements dont l'exorde est toujours, en fait de traverse, chacun a les siennes. Émilie, qui dans la journée avait déjà passablement avalé la douleur, ne tarda pas à exhaler sa plainte au sujet de sa rivale et des infidélités de Otto. « Sait-il pas encore un fier lapin que ton Otto ? Des cochons comme ça, mérite-t-il pas d'avoir des femmes ? Je te fais faire des traits pour une félicité. Entre nous, ce n'est pas le diable que félicité, et si j'avais à faire un choix, je te signe mon billet que c'est à toi que je donnerai la préférence. » Voilà encore Jules qui bat, qui se moque. « Tu prends ton café. Je sais bien que félicité est plus belle que moi. » Mais si je ne suis pas si gironde, si gentille, j'ai un bon cœur. Tu l'as vu lorsque je lui ai porté la panne à l'orsefée, la provision à la force. C'est là qu'il a pu juger si j'avais de la probité. Pour ça, c'est la vérité. Tu avais bien besoin de lui, j'en étais témoin. N'est-ce pas, Jules, que j'ai tout fait pour lui? Ce vilain rouchi, ce mal tourné, Échinez-vous donc le tempérament. Je me suis-il dérangé une minute de mon commerce? Je ne crois pas qu'il y ait un centime à reprendre sur ma conduite. Une épouse légitime qui serait mariée et tout n'en aurait pas fait plus. Qu'est-ce que tu dis? Elle n'en aurait pas fait autant. Oh non, bien sûr, ce n'est pas encore ça. Il n'ignore pas comme je suis sujette aux enfants. Quand il a été des 15 mois enflaqué, t'ai-je-t-il pendu sans lui? C'est-il de la vertu? Tu en trouves donc beaucoup comme ça, jusqu'à me priver de tout. Il n'y a que mon soulier qui sait ça. S'il pouvait parler, il en dirait long. En a-t-il eu de ces pièces de 10 sous qui passaient devant le nez à la bariole? Il devrait pourtant s'en souvenir, maigresser les bottes d'un vilain. Tu as bien raison. Ce n'est pas Félicité qui lui en aurait donné. Félicité, elle lui en aurait plutôt mangé si elle avait pu. Mais c'est toujours celle-là qu'on aime le mieux. Elle soupire, boit et soupire encore. Ah ça, puisque nous sommes là tous les deux, les as-tu vus ensemble? Dis-moi la vérité. Vois d'Émilie Simonet qui est mon vrai nom, que tout ce qui m'est entré m'entrera dans le cornet, me sert de poison, que je meure sur la place, ou que je sois servi marron en premier messier que je grinchirai. Pris sur le fait au premier individu que je volerai. Si je l'en ouvre simplement la bouche. Que veux-tu que je te dise? Vous êtes toutes des bavardes. Parole d'honneur. Prenant l'air et le ton solennel, sur la cendre de mon père, qui est mort comme tu existes. Cette formule homérique n'est plus usitée que parmi les prêtresses de Vénus Cloacine. D'où leur a-t-elle venu? Je n'en sais rien. Peut-être quelque fille de blanchisseuse aurait-elle juré par les cendres de sa mère. Mais sur la cendre de mon père, ces mots sont bien pires que ce nébuleux prophétique qui fit trembler Fontenelle. Ils renferment toute une monographie. Dans la bouche d'une femme qui vise à jouer l'honnêteté, ils sont toujours de fort mauvais augure. Quelle que soit sa mise ou son état actuel, sans courir le risque de se tromper, on peut lui dire « Je te connais, beau masque ». Ce serment, vu la qualité des personnes qui le prodiguent, m'a toujours semblé si burlesque que jamais il n'a été prononcé devant moi sans qu'il ne m'ait pris aussitôt une irrésistible envie de rire. « ris donc, me dit Émilie, n'est-ce pas que c'est bien risible ?»« Bah, tais-toi donc. » »« C'est vrai. » Avec lui, il n'y a pas de plaisir. Il ne croit à rien. Je veux être la plus grande coquine qu'il n'y ait pas sous la calotte des cieux. Sur tout ce que j'ai de plus cher au monde, sur la vie de mon enfant, que c'est un serment que je ne fais jamais. Que tous les malheurs m'arrivent si je lui parle de toi. En même temps, retirant d'avant le pouce de sa main droite, dont l'ongle engagé sous la rangée supérieure de ses dents s'échappe avec un léger bruit, elle ajoute, en crachant et se signant à la fois, « Tiens, Jules. » C'est sacré. Ainsi, tu vois, c'est comme si le notaire y avait passé. Pendant cet entretien, notre shopping avait été plusieurs fois renouvelé. Plus nous buvions, plus la Pénélope de Otto devenait pressante et me protestait de sa discrétion. Voyons, mon petit Jules, qu'est-ce que ça te fait? Quand je te promets qu'il n'en saura rien. Allons, t'es si bonne fille que je vais te dire tout ce qu'il en est. Mais t'es averti, ne mange pas le morceau, sinon gare à toi, je t'en voudrais à la mort. « Otto est mon ami, entends-tu ? » ?»« Il n'y a pas de risque. » Et quand on me dit quelque chose, montrant de la main sa poitrine, « C'est là. »« C'est mort. » »« Eh bien, je suis allé ce soir aux Champs-Élysées. J'ai vu ton homme avec Félicité. Ils ont d'abord disputé. Elle disait qu'il t'avait mis dans sa chambre de la rue Saint-Pierre-aux-Bœufs. Il a juré que non, et qu'il n'avait plus de fréquentation avec toi. Tu sens bien que, vis-à-vis d'elle, je n'ai pas pu faire autrement que de dire comme lui. » Ils se sont ramijotés, ils se sont réconciliés. Et d'après des mots de leur conversation, je répondrai bien que la nuit de hier à aujourd'hui, il a couché avec Félicité, place du Palais-Royal. Oh, pour ça, c'est pas vrai, car il était avec des amis. Avec Caffin, Bicêtre et Linois, Otto m'a conté ça. Comment donc il t'a dit ça? Il m'avait pourtant bien défendu de t'en parler. Voilà comme il est, et puis après, s'il lui arrivait de la peine, il me ficherait du tabac. Il me battrait. N'as-tu pas peur? Bah, c'est pas moi qui ferai jamais un trait à un ami. Si je suis rousse, si je suis mouchard, il me reste encore des sentiments. Je sais bien, mon pauvre Jules, que tu as été forcé d'entrer à la boutique plutôt que de retourner au pré, au bagne. C'est tout de même, à la boutique ou non. Je suis brave et, si j'avais quelqu'un à faire de la peine, ça ne serait pas à Otto. T'as bien raison, mon pauvre lapin. Faut jamais trahir les camarades. Et mon homme, dis-moi, où donc il est allé avec sa... Molière eût dit le mot, le lecteur le cherchera. Veux-tu le savoir? Il soit allé se piocer, se coucher chez Bicêtre. Par exemple, je ne te donnerai pas l'adresse, car je ne l'ai pas demandé. Arrête son chez Bicêtre, c'est bon, c'est bon. je vais joliment te les révolter. J'irai avec toi. C'est-il loin qu'il demeure ? Tu connais la rue du Bonpuits ? Oui. Eh bien, c'est là, chez la Hire, au 4e. Sois tranquille, elle portera de mes marques. Jules, as-tu une pièce de 6 liards, que je lui taille des sous-pieds sur la frimousse ? Je n'en ai pas. C'est égal, j'ai ma clé dans mon mouchoir. Ah, ils vont voir beau bruit. Il me semble que je sentais ça ce matin, 3 valets dans mes cartes. Écoute, c'est pas tout, Déchou. Ça ne serait pas le plan de te montrer s'ils n'y sont pas. Ta confiance en moi, laisse-moi faire. Je monterai d'abord. Si je reste, tu sauras ce que ça veut dire, c'est que j'aurai trouvé les oiseaux. C'est ça, c'est pas bête. Il faut être sûr avant de faire du Renault, avant de faire du tapage. Nous arrivons rue du Bonpuits, j'entre. Après m'être assuré que Bicêtre est au gîte, je rejoins Émilie, dont le vin et la jalousie avaient achevé de troubler la cervelle. Regarde, si ce n'est pas joué de malheur, ils viennent de partir avec Bicêtre et sa femme pour les souper chez Linois. Je me suis informé où, on n'a pas pu me le dire. Peut-être bien qu'ils n'ont pas voulu. Mais c'est rien, je sais où ce que loge Linois, c'est chez sa mère, tu m'accompagneras, tu l'iras demander pour rien brûler, qu'on ne se doute de rien. Ah ça, vas-tu me trimballer jusqu'à demain ? C'est bon, Jules, tu me refuses. Ah, mon Minet, fuse pas, tu verras que t'auras pas à t'en repentir. Je te ferai plutôt une souris, je te ferai plutôt un baiser. Le moyen de résister à une souris ? Je me laissai entraîner dans la rue Joclet, et là je grimpai un 6e étage, où je vis Linois, qui ne me connaissait que de nom. Je cherche après Otto, lui dis-je. Vous ne l'auriez pas vu ? Non, me répondit-il, et comme il était couché, je me retirai après lui avoir souhaité une bonne nuit. Faut-il avoir du guignon ? J'ai encore fait corvée. Ils sont venus, mais ils sont partis prendre Caffin qui doit payer le vin. Où demeure-t-il, Caffin ? Pour ce qui est de celui-là, je serais bien embarrassé de le dire. Mais comme c'est un paillasson, un coureur de femmes, je suis certaine de le savoir aux femmes de la place Sauveau. Viens, je t'en prie. Peux-tu me faire faire les 4 coins de Paris ? Il se fait tard et je n'ai pas le temps. Je t'en prie, Jules, ne me quitte pas. Les inspecteurs à la flanc, les inspecteurs ordinaires, n'auraient qu'à m'emballer. Comme la complaisance était utile, je ne me fis pas trop tirer l'oreille. Je me dirigeai avec Émilie du côté de la place Aubeau, et de canon en canon, prenant du courage dans chaque cabaret, nous volons ensemble à l'endroit où j'espère compléter les renseignements qui me sont nécessaires. Nous volons, l'expression est hardie, car malgré le soutien de mon bras, Émilie, trop abreuvée, avait une peine infinie à mettre un pied devant l'autre. Mais plus sa démarche devenait chancelante, plus elle était communicative, si bien qu'elle me découvrit les plus secrètes pensées de son infidèle. Je sus d'elle tout ce qui m'importait de savoir sur le compte de Otto, et j'eus la satisfaction de me convaincre que je ne m'étais pas trompé en le jugeant capable d'avoir lui-même dirigé les voleurs qu'il se proposait de livrer à la police. À 1 heure du matin, j'étais encore en exploration avec mon guide, Émilie se promettant de retrouver Otto et moi de découvrir Caffin, lorsqu'une nommée Louison la blagueuse, dont nous fîmes la rencontre, nous annonça que ce dernier était avec Émilie Taquet, et qu'il passerait la nuit ou chez la Bariole, ou chez la Blondin, qui était aussi en possession des vergers Les Amours. « Merci, ma petite, » dit aussitôt la fille Simonet à la consoeur qui nous donnait cette précieuse indication. « C'est bien ça, » poursuivit-elle. « Bicêtre est avec sa femme, Linois et Caffin sont avec la leur, Otto est avec Félicité, chacun sa chacune. Le scélérat, il aura ma vie ou j'aurai la sienne. Ça m'est égal de mourir. » Grinçant les dents et s'arrachant les cheveux. « Jules, ne m'abandonne pas. Faut que je les tue, mon ami. Faut que je les tue. » Pendant cette rage de vengeance, nous ne laissions pas de gagner du terrain. Enfin, nous voici au coin de la rue des Arcis. « Qu'est-ce que t'as donc, Mélie ?» articule une voix rauque qui semble s'échapper par un soupirail. À la lueur du réverbère, je distingue une femme accroupie dans la posture qui a fait imaginer cette estampe « Nécessité n'a pas de loi ». Elle se lève et s'approche de nous. « C'est la petite Madelon !» s'écrie Émilie. « Ah, ma grosse, ne me parle pas. Je suis en révolution. T'as pas vu Caffin, ce soir ?»« Caffin, que tu dis ?»« Oui, Caffin. Ils sont chez la mère Bariole. » Il n'est point de rendu quand on consomme. D'ailleurs, Émilie était de la maison. Nous entrons et nous apprenons qu'en effet, Caffin est au logis, mais que Otto n'a pas paru. À cette nouvelle, Madame Otto imagine qu'on veut lui cacher le pot aux roses. « Oui, vous soutenez le vice !» dit-elle à la Bariole. « Rendez-moi mon homme ! Vieille ci, vieille ça !» Il ne me souvient plus trop des épithètes qu'elle accumula. Ce fut, durant un quart d'heure, un feu roulant, entretenu par une succession de verres de camphre, de verres d'eau-de-vie, jetés dans un vin que déjà faisait fermenter la jalousie. « Auras-tu bientôt fini avec tes raisons ?» interrompit la variole, qui était bon cheval de trompette. « ton homme, il est au moulin, le diable le retourne. Mais l'as-tu donné à garder, ton homme ? C'est-il pas un beau meuniot ? L'homme à tout le monde. Ah bien, des hommes comme ça, j'en ai plein. Tu crois qu'il avait qu'à faim ? Va plutôt voir, monte à la chambre à taquet. » Émilie ne se le fait pas dire deux fois, elle procède en effet à la vérification et revient. « Te voilà contente ?» lui dit la variole. « Il n'y a que Caffin. Te l'avais-je pas dit ? Où est-ce qu'il est, le monstre ? Mais où est-ce qu'il est ? Si tu veux, lui dis-je, je te mènerai où il est. Ah, mène-moi-y. Fais ça pour moi, Jules. C'est qu'il est loin d'ici, à l'hôtel d'Angleterre. Tu penses qu'il y est ? J'en répondrai. Il y sera allé passer une heure ou deux pour attendre que Félicité finisse sa soirée, et de là il aurait été la retrouver rue Froidmanteau. » Émilie ne doutait pas que je n'eusse parfaitement deviné. Aussi ne tenait-elle plus en place. Elle crevait dans sa peau et ne me laissait ni peine ni trêve que je n'eusse consenti à entreprendre avec elle le voyage de l'hôtel d'Angleterre. Le trajet me parut long, car j'étais le cavalier d'une dame dont le centre de gravité, vacillant à l'excès, me donnait fort à faire pour garder moi-même mon équilibre. Cependant, moitié traînant la belle, moitié la portant, je parvins avec elle dans la rue Saint-Honoré, à la porte du repère où elle comptait rencontrer son objet. Nous parcourons les salles. Sans crainte de déranger d'amoureux tête à tête, nous donnons notre coup d'œil dans chacun des cabinets qui forment, sur les corridors, une double rangée d'appartes. Otto n'y était pas, et la rivale de Félicité était au sang-cou, ses yeux s'échappaient de leur orbite, ses lèvres se couvraient d'écume. Elle pleurait, elle fulminait, c'était une épileptique, une énergumène. Échevelée, pâle, le visage horriblement contracté, les cordes du cou tendues, elle offrait l'aspect hideux d'une de ces myologies cadavéreuses auxquelles le fluide galvanique a rendu le mouvement. Terribles effets de l'amour et de l'eau-de-vie, de la jalousie et du vin. Toutefois, dans la crise qui l'agitait, Émilie ne me perdait pas de vue. Elle s'attachait à moi et jurait de ne pas me quitter qu'elle n'eût rejoint l'ingrat qui lui causait tant de tourments. Mais elle n'avait plus rien à m'apprendre. Il y avait assez longtemps que je la traînais pour souhaiter me débarrasser d'elle. Je lui fis entendre que j'allais m'enquérir si Félicité était rentrée, ce qui était facile, puisqu'elle habitait dans une maison à portier. Émilie, qui jusque-là avait eu tant à se louer de ma complaisance, ne pouvait que me savoir bon gré de la nouvelle preuve de zèle que j'offrais de lui donner. Je sors sans qu'elle manifeste le dessein de me suivre, et au lieu de m'acquitter de la commission que j'avais sollicitée, je me rends au corps de garde du château d'eau, où, m'étant faire connaître du chef du poste, je la priai de la faire arrêter et de la tenir au secret le plus rigoureux. Sans doute il m'en coûta d'emmener à cette cruelle extrémité. Après tout le mouvement qu'elle s'était donné, on en conviendra, Émilie méritait un meilleur sort, du moins pour cette nuit. Elle la passa au violon. Combien le devoir est quelquefois pénible à remplir. Personne mieux que moi ne savait où était le bien-aimé qu'elle maudissait. Ne fallut-il pas me priver de la satisfaction de le rendre innocent à ses pleurs quand elle le supposait coupable ? Peut-être, avant d'aller plus loin, ne sera-t-il pas inutile de dire pourquoi j'avais fait arrêter Otto ? C'était pour qu'il n'eût pas le temps de se désimpliquer, soit en faisant disparaître les traces de sa participation au vol, soit en stipulant son impunité avec la police. Mais la tendre Émilie, quel motif de la séquestrer ? N'avais-je pas redouté son retour chez la variole, où, dans la loquacité de l'ivresse, elle pouvait rabâcher des réminiscences dont Caffin ferait son profit ? On m'objectera qu'elle était hors d'état de se tenir debout. Je ne le contesterai pas. Mais le lecteur voudra bien se souvenir que justement, d'après l'expérience des enfants et des ivrognes, certains philosophes ont été induits à penser que l'homme, la femme y comprise, fut originairement un quadrupède. Émilie, ne fût-ce qu'à quatre pattes, aurait pu regagner ses pénates, et alors, pour peu que sa langue lui revînt, mes démarches étaient infailliblement divulguées. Après toutes ces précautions, Otto étant déjà sous ma coupe, il ne me restait plus qu'à m'assurer de ses trois complices. Je savais où prendre chacun d'eux. Je me fis accompagner par deux agents de la préfecture, et bientôt, ce fut au nom de la loi que je me présentais de nouveau chez la variole. « Ah !» me dit la mère, « quand j'ai été vu traîner tes culottes par ici, je me méfiais que cela ne sentait pas bon. « Qu'est-ce que j'offrirai à ces messieurs » ajouta-t-elle, en s'adressant aux deux inspecteurs. « Vous prendrez bien quelque chose. Voyons votre goût. De la petite bouteille ? C'est celle des amis. » Et tout en parlant, elle se baissait pour fouiller dans son comptoir où elle prit, au milieu d'un paquet de chiffons, un vieux flacon doré qui contenait le précieux liquide. Je suis obligé de le cacher, car avec ces demoiselles, allez, on est bien à plaindre lorsqu'on a affaire aux femmes. Je promets que si je trouvais à vendre mon fonds, que ceux qui ont de quoi vivre sont heureux. Regardez, je n'ai pas seulement de quoi m'avoir un fauteuil. En blason qui est comme l'écorché de la pitié, on lui voit les os. Ah oui, parlons de votre sofa. Il a de beaux cheveux, avec son pied recousu et ses crins au vent. Dit une jeune fille, qui au moment de notre entrée, dormait penchée sur une table dans un des coins de la salle. C'est bien le cas de dire que c'est comme Philémon et Baucis. Hein, c'est toi la petite Réale, je ne te voyais pas. Qu'est-ce qu'elle chante, mamselle, comme il faut avec son Philémos et... Et comment tu dis donc ? Je dis, répond Fifine, qu'il est comme le trépied de la Sibylle. C'est bon, c'est bon, c'est le fauteuil du trépied. Tu ne diras pas toujours ça, on le fera rempailler. C'est que, voyez-vous, elle a reçu de l'éducation, ce n'est pas une fichue bête comme moi. Voilà ce que c'est que d'appartenir à des parents. Oh, bah, j'en sais bien assez pour manger mon bien. Allons, viens, Fifine, tourne le cou à ce porrichinelle, il y en a un pour toi. Vous êtes bien bonne, madame. Au moins, ne va pas dire aux autres. La rasade est versée, une double rangée de perles se forme à la surface du cognac. Elle est délicieuse. Je dis qu'elle est dans le Costico Barbaro, observa Fifine. Eh bien, messieurs, reprit la bariole, ça va-t-il rester pour les capucins ? Enflons, je trinque avec vous, à la vôtre, mes enfants. Dire que nous sommes ici tous bien d'accord et qu'il nous faudra mourir un jour. C'est si gentil d'être d'accord. Quand on est tous amis ensemble. Ah, mon Dieu, oui, il nous faudra mourir. C'est ce qui me chiffonne. Et avoir tant de tracas sur cette terre, c'est plus fort que moi. Il n'y a pas deux minutes où ça ne me repasse par l'idée. Mais, soyons honnêtes, c'est le principal. Avec ça, on peut toujours aller tête levée. Que ce qui n'est pas à nous ne nous tente pas. En tout cas, je peux mourir quand je voudrais. On ne reprochera pas la tête d'une épingle. Ça... Qu'est-ce qui vous amène donc à cette heure, mes enfants ? C'est pas pour mes femmes ? Elles sont toutes tranquilles. Vous en avez un échantillon, montrant Fifine, là la plus dérangée. Ah, mais à propos, Jules, qu'as-tu donc fait de Mélie ? Je te conterai ça plus tard, donne-nous de la chandelle. Je parie que c'est après Caffin que tu cherches. Bon débarras, je t'assure, un mangeur de blanc, un homme qui vit aux dépens des filles. Un batteur de femmes, interrompit Fifine. On ne voit pas souvent de son argent à celui-là, reprit la bariole. Tiens, Jules, regarde un peu sur l'ardoise sa dépense et le gain de sa femme. Elle ne fait pas seulement assez pour lui. Que Paris serait bien purgé si on pouvait tous les enfoncer. Elle voulait me conduire à la chambre du mangeur, mais comme je savais le chemin tout aussi bien qu'elle, je la remerciais de son obligeance. La seconde porte, nous dit-elle, la clé est dessus. Je ne pouvais me tromper, j'entre et je signifie à Caffin qu'il est mon prisonnier. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a ? Dit Caffin en s'éveillant. Comment, Jules, c'est toi qui m'emballes ? Que veux-tu, mon ami ? Je ne suis pas sorcier. Si l'on ne t'avait pas coqué, dénoncé, je ne viendrais pas interrompre ton sommeil. Ah, te voilà encore avec tes couleurs. T'as tort, mon fils. C'est de la vieille amadou, ça ne prend pas. Comme tu voudras, c'est ton affaire. Mais si ce qu'on dit est vrai, ton compte est bon, t'iras au pré. Oui, crois ça, et bois de l'eau, tu seras jamais sous. Enfin. Faut-il te mettre le nez dessus pour que tu dises c'en est ? Écoute, je n'ai pas intérêt à te battre au comptoir. Je te le répète, je ne puis pas deviner. Et si l'on ne m'avait pas dit que vous aviez grinché du gras double, volé du plomb sur le boulevard Saint-Martin, où vous avez failli être arrêté par le gardien, tu n'aurais pas maintenant ma visite. C'est-il clair ? Sur quatre que vous étiez, il y en a un qui a tortillé, qui a avoué. Devine qui ? Si tu le nommes, je te dirai, c'est lui. Caffin, réfléchissant un instant, puis relevant brusquement sa tête comme un cheval qui capuchonne. « Tiens, Jules, me dit-il, je vois bien qu'il est parmi nous une canaille qui a mangé. Fais-moi conduire devant le quart d'œil, devant le commissaire. Je mangerai aussi. Faut y être gueux pour vendre des camarades d'argent comptant, surtout quand on est grinche. Toi, c'est autre chose. Tu t'es rendu rousse, tu t'es rendu mouchard, par force. Je suis bien sûr que si tu trouvais un bon coup à faire, tu me brûlerais la politesse à la cuisine, à la police. Comme tu dis, mon ami, si j'avais su ce que je sais, je te réponds que je ne serais pas là. Mais quand je m'en bouleverserai l'essence, c'est fait, il n'y a plus à y revenir. Où vas-tu me mener de ce pas ? Au poste de la place du Châtelet, et si t'es décidé à vous la vérité, je vais faire prévenir le commissaire. Oui, fais-le venir. Je vais enfoncer ce coca d'auto. Il n'y a pas d'autre que lui qui a pu manger. Le commissaire arrive. Caffin lui fait l'aveu de son crime, mais en même temps il ne néglige pas de charger Otto, et il le désigne comme son complice unique. On voit que ce n'était pas un faux frère. Ses deux amis ne montrèrent pas moins de loyauté. Surpris également au chaud du lit et interrogés séparément, ils ne purent faire autrement de se reconnaître coupables. Otto, qu'ils accusèrent de leur malheur, fut le seul que chacun d'eux inculpa. Malgré cette noblesse de sentiment, digne d'être citée parmi les beaux traits de la nouvelle morale en action, ce généreux trio fut envoyé aux galères et le perfide Otto fut condamné à leur tenir compagnie. Il est aujourd'hui au bagne, où vraisemblablement il se garde bien de rappeler les particularités les plus curieuses de son arrestation. Émilie Simonet en fut quitte pour environ 6 heures de captivité. Quand on l'a remis en circulation, elle était à demi asphyxiée par les boissons qu'elle avait prises. Elle n'entendait plus, elle ne parlait plus, elle ne voyait plus, et n'avait pas gardé le moindre souvenir de ce qui s'était passé. À la première lueur qui se fit dans sa mémoire, elle demanda son amant, et sur cette réponse d'une de ses compagnes, « Il est à la lorse fait, à la force. »« Le malheureux !» s'écria-t-elle. « Qu'avait-il besoin d'aller chercher le plomb sur les toits ? Auprès de moi, n'avait-il pas tout ce qu'il lui fallait ?» Depuis, l'infortunée Émilie s'est montrée inconsolable, et modèle exemplaire d'une douleur qui s'empoisonne chaque jour. Si le matin on ne la voyait qu'un tout petit peu bu, chaque soir elle était morte, ivre. Terrible effet de l'amour et de l'eau de vie et de l'amour. Un vol de peu de conséquences m'a fourni l'occasion de tracer des peintures bien hideuses. Cependant, elles ne sont encore que les esquisses très incomplètes d'une réalité abominable, dont l'autorité, qui doit être la promotrice de toute bonne civilisation, nous délivrera lorsqu'elle le voudra. Souffrir que des gouffres de corruption où le peuple s'abîme corps et âme soient incessamment ouverts, c'est un déni de morale, c'est un outrage à la nature, c'est un crime de lèse-humanité. Que l'on accuse par ses pages d'être licencieuse, ce ne sont pas là ces récits de Pétrone, qui portent le feu dans l'imagination et font des prosélytes à l'impureté. Je décris les mauvaises mœurs, non pour les propager, mais pour les faire haïr. Qui pourrait avoir lu ce chapitre et ne pas les prendre en horreur puisqu'elles produisent le dernier degré de l'abrutissement ?